On est responsable. Que dans la mesure de son savoir-faire. Qu'est-ce que c'est que le savoir-faire? Disons que c'est l'art, l'artifice, ce qui donne à l'art dont on est capable, une valeur remarquable. Remarquable en quoi? Puisqu'il n'y a pas d'autre de l'autre pour opérer le jugement dernier. Du moins, est-ce moi qui l'énonce ainsi. Ceci veut dire qu'il y a quelque chose dont nous ne pouvons jouir. Appelons ça la jouissance de Dieu, avec le sens, inclus là-dedans, de jouissance sexuelle. L'image qu'on se fait de Dieu implique-t-elle ou non qu'il jouisse de ce qu'il a commis en admettant qu'il existe? Y répondre qu'il n'existe pas, tranche la question. En nous rendant la charge d'une pensée dont l'essence est de s'insérer dans cette réalité première approximation du mot réel qui a un autre sens dans mon vocabulaire, dans cette réalité limitée qui s'atteste de l'existence écrite de la même façon EX trait d'union S de l'existence du sexe. Voilà. C'est le type de choses que, en fin de compte, je vous apporte en ce début d'année, à savoir ce que j'appellerais, c'est pas plus mal comme ça pour un début d'année, ce que j'appellerais des vérités premières. Non pas bien sûr que dans l'intervalle qui nous a séparés, depuis quelque chose comme... Non. Plus de 3 semaines. Non pas que je n'ai pas travaillé. J'ai travaillé à des trucs dont vous voyez là sur le tableau un échantillon. Ceci, comme vous pouvez le voir, est un nœud borroméen. Il ne diffère de celui que, je vous le rappelle, je dessine d'habitude. Qui est foutu comme ça. Il n'en diffère que de quelque chose qui n'est pas négligeable. Il peut se distendre de façon telle que il y ait 2 extrêmes comme rond. Et que ce soit celui qui est dans le milieu qui fasse le joint. La différence et celle-ci. Supposez que ce soit 3 éléments comme celui-là, le médian, qui s'unissent de façon circulaire. Vous voyez bien, j'espère, comment ça peut se faire. Il n'y a pas besoin que je vous trace le truc au tableau. Eh bien, ça se simplifie comme ça. Comme ça. Comme ça. Parce que c'est le même. Naturellement, c'est pas de ça seulement que je me contente. J'ai passé mes vacances à en élucubrer bien d'autres. Dans l'espoir d'en trouver un bon qui servirait de support, j'entends, aisé. Est-ce que j'ai commencé aujourd'hui de vous raconter comme vérité première? Eh ben, chose surprenante. Ça ne va pas tout seul. Non pas que je crois que j'ai tort de trouver dans le nœud ce qui supporte notre consistance. Seulement, c'est déjà un signe que ce nœud, je ne puisse le déduire que d'une chaîne, à savoir de quelque chose qui n'est pas du tout de la même nature. Chaîne ou link, en anglais, c'est pas la même chose qu'un nœud. Mais reprenons le ronron des vérités dites premières, dites par moi comme telles. Il est clair que l'ébauche même de ce qu'on appelle la pensée, tout ce qui fait sens dès que ça montre le bout de son nez, comporte une référence, une gravitation à l'acte sexuel, si peu évident que soit cet acte. Le mot même d'acte implique la polarité active-passive, ce qui déjà est s'engager dans un faux sens de ce qu'on appelle la connaissance, avec cette ambiguïté que l'actif c'est ce que nous connaissons. Mais que nous nous imaginons que, faisant effort pour connaître, nous sommes actifs. La connaissance, donc, dès le départ, se montre ce qu'elle est. Trompeuse. C'est bien en quoi tout doit être repris au départ à partir de l'opacité sexuelle. Je dis opacité. En ceci, c'est que premièrement, nous ne nous apercevons pas que du sexuel ne fonde en rien quelque rapport que ce soit. Ceci implique, au gré de la pensée, qu'il n'y a de responsabilité, en sens où responsabilité, ça veut dire non-réponse, ou réponse à côté, il n'y a de responsabilité que sexuelle, ce que dont tout le monde, en fin de compte, a le sentiment. Mais par contre, que ce que j'ai appelé le savoir-faire va bien au-delà. Et y ajoute l'artifice que nous imputons à Dieu, tout à fait gratuitement, comme Joyce. Comme Joyce y insiste, parce que c'est un truc qui lui a chatouillé quelque part, ce qu'on appelle la pensée. C'est pas Dieu qui a commis ce truc qu'on appelle l'univers. On impute à Dieu ce qui est l'affaire de l'artiste, dont le premier modèle est, comme chacun sait, le potier, et qu'on dit que, avec quoi d'ailleurs, qu'il a moulé comme ça, là, ce truc qu'on appelle, pas par hasard, l'univers. Veut dire qu'une seule chose, c'est qu'il y a de l'un. Il y a de l'un, mais on ne sait pas où. Il est plus qu'improbable que cet un constitue l'univers. L'autre de l'autre, réel, c'est-à-dire impossible. C'est l'idée que nous avons de l'artifice. En tant qu'il est un faire, F-A-I-R-E, écrivez pas ça, F-E-R, un faire qui nous échappe, c'est-à-dire qui déborde de beaucoup la jouissance que nous en pouvons avoir. Cette jouissance tout à fait mince, c'est ce que nous appelons l'esprit. Tout ceci implique une notion du réel, bien sûr. Bien sûr qu'il faut que nous la fassions distincte du symbolique et de l'imaginaire. Le seul ennui, c'est bien le cas de le dire, vous verrez tout à l'heure pourquoi, c'est que le réel fasse sens dans cette affaire. Alors que si vous creusez, enfin ce que je veux dire par cette notion du réel, il apparaît. C'est pour autant que il n'a pas de sens, qu'il exclut le sens, ou plus exactement qu'il se dépose d'en être exclu, que le réel se fonde. Voilà. Je vous raconte ça comme je le pense. C'est pour que vous le sachiez que je vous le dis. La forme la plus dépourvue de sens de ce qui pourtant s'imagine, c'est la consistance. Rien ne nous force à imaginer la consistance, figurez-vous. Voilà un bouquin qui s'appelle Surface and Symbol. Qui ajoute que c'est une étude, faut bien le savoir, car sans sous-titre, comment le saurait-on, qui ajoute « The Consistency of James Joyce Ulysses » par R. Robert M. Adams. Il y a là comme quelque chose, comme un pressentiment de la distinction de l'imaginaire et du symbolique. À preuve, un chapitre où, après avoir intitulé le livre Surface and Symbol, un chapitre tout entier qui s'interroge, je veux dire qui met un point d'interrogation sur surface or symbole. Surface ou symbole. La consistance, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui tient ensemble. Et c'est bien pour ça que c'est symbolisé dans l'occasion par la surface. Parce que, pauvres de nous, nous n'avons idée de consistance que de ce qui fait sac ou torchon. C'est la première idée que nous en avons. Même le corps, c'est comme peau. Retenant dans son sac un tas d'organes, que nous le sentons. En d'autres termes, cette consistance montre la corde, mais la capacité d'abstraction imaginative est si faible que de cette corde montrée comme résidu de la consistance, que de cette corde, elle exclut le nœud. Or, c'est là-dessus, peut-être, que je peux apporter le seul grain de sel dont, en fin de compte, je me reconnaisse responsable. Dans une corde, le nœud est tout ce qui existe au sens propre du terme, tel que je l'écris, et tout ce qui existe à proprement parler. Ce n'est pas pour rien. Je veux dire, ce n'est pas sans cause cachée que j'ai dû, pour ce nœud, y ménager un accès, commencer par la chaîne, où il y a des éléments qui sont distincts, éléments qui consistent alors en quelque forme de la corde, c'est-à-dire ou bien en tant que que c'est une droite, que nous devons supposer infini pour que le nœud ne se dénoue pas, ou bien en tant que ce que j'ai appelé ronde ficelle. Autrement dit, corde qui se noue elle-même, ou plus exactement qui joint d'une épissure, de façon à ce que le nœud, à proprement parler, n'en constitue pas la consistance. Parce qu'il faut tout de même distinguer consistance et nœud. Le nœud existe à l'élément corde. Corde consistante. Un nœud donc, ça peut se faire. C'est bien pour ça que j'en ai pris le cheminement de raboutage élémentaire. J'ai procédé comme ça parce que il m'a semblé que c'était le plus didactique. Vu la mentalité, il n'y a pas besoin de dire plus. La sentimentalité. Propre au par-l'être, la mentalité en tant que, puisqu'il la sent, il en sent le fardeau, la mentalité en tant qu'il ment, c'est un fait. Qu'est-ce qu'un fait? C'est justement lui qui le fait. Il n'y a de fait que du fait que le par-l'être le dise. Il n'y a pas d'autre fait que ce que le par-l'être reconnaît comme tel en les disant. Il n'y a de fait que d'artifice. Et c'est un fait qu'il ment. C'est-à-dire qu'il instaure dans la reconnaissance de faux faits. Ceci parce qu'il a de la mentalité. C'est-à-dire de l'amour propre. C'est le principe de l'imagination. Il adore son corps. Il l'adore. Parce qu'il croit qu'il l'a. En réalité, il l'a pas. Mais son corps est sa seule consistance. Mentale, bien entendu. Son corps fout le camp à tout instant. Hein. C'est déjà assez miraculeux qu'il subsiste durant un temps. Le temps de cette consommation qui est de fait, du fait de le dire, inexorable. Inexorable en ceci que rien n'y fait, parce qu'elle n'est pas résorptive. C'est un fait constaté, même chez les animaux. Le corps ne s'évapore pas. Il est consistant. Et c'est ce qui lui est à la mentalité antipathique. Uniquement parce que elle y croit d'avoir un corps à adorer. C'est la racine de l'imaginaire. Je le pense, P-A-N-S-E. C'est-à-dire, je le fais pense, donc je les suis. C'est à ça que ça se résume. C'est le sexuel qui ment là-dedans. De trop s'en raconter. Faute de l'abstraction imaginaire dite plus haut, celle qui se réduit à la consistance. Car le concret, le seul que nous connaissions, c'est toujours l'adoration sexuelle, c'est-à-dire la méprise, autrement dit le mépris. Ce qu'on adore est supposé confère le cas de Dieu n'avoir aucune mentalité, ce qui n'est vrai que pour le corps considéré comme tel, je veux dire adoré, puisque c'est le seul rapport que le par-l'être a à son corps, au point que quand il en adore un autre corps, c'est toujours suspect, car cela comporte le même mépris véritable. Puisqu'il s'agit de vérité. Ce que la vérité, comme disait l'autre. Qu'est-ce que dire comme... Pendant le début du temps que je déconnais, on me reprochait de ne pas le dire. Qu'est-ce que dire le vrai sur le vrai? Se faire ce que j'ai fait, effectivement. Suive à la trace le réel qui ne consiste et qui n'existe que dans le nœud, fonction de la hâte. Il faut que je me hâte. Naturellement, j'arriverai pas au bout. Quoique je n'ai pas musardé. Mais boucler le nœud imprudemment, ça veut simplement dire aller un peu vite. Le nœud peut-être que je fais à la suite de droite ou suite de gauche est peut-être un peu insuffisant. C'est même pour ça que j'en ai cherché où il y est. Plus de croisement que ça. Mettons-nous-en au principe. Au principe qu'il faut en somme avoir trouvé. J'y ai été conduit par le rapport sexuel, c'est-à-dire par l'hystérie, en tant qu'elle est la dernière réalité perceptible. Comme Freud l'a aperçu fort bien, la dernière hystérone. Réalité sur ce qu'il en est, du rapport sexuel précisément. C'est là que Freud en a appris le béaba. Ce qui l'a pas empêché de poser la question. Il faisait une erreur. Il pensait qu'il y avait Das Weib. Il n'y a que Ein Weib. W, et W. Weib. Alors maintenant, quand même, je vais vous donner comme ça un petit bout à manger. Voilà. Je voudrais illustrer ça. Illustrer ça de quelque chose qui fasse support. et qui est bien ce dont il s'agit dans la question. J'ai déjà parlé dans un temps de l'énigme. J'ai écrit ça, grande, indice petite. Il s'agit de l'énonciation et de l'énoncé. Une énigme, comme le nom l'indique, est une énonciation telle qu'on n'en trouve pas l'énoncé. Dans le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, celui d'R. M. Adams, plus facile, je l'espère, à trouver que ce fameux Portrait of the Artist as a Young Man, que vous pouvez trouver quand même, à cette seule condition de ne pas exiger d'avoir au bout tout le criticisme que Chester Anderson a pris soin d'y rajouter. Surface and Symbol est édité à Oxford University Press. C'est facile à avoir. Oxford University Press a aussi un bureau à New York. Bon. Alors, là, dans ce R.M. Adams, vous y trouverez quelque chose qui a son prix. C'est à savoir que dans les premiers chapitres de Ulysses, quand il va professer auprès de ce menu peuple qui constitue une classe, si mon souvenir est bon, à Trinity College, Joyce, c'est-à-dire non pas Joyce, mais Stephen. Stephen, c'est-à-dire le Joyce qui l'imagine. Et comme Joyce n'est pas un sot, qu'il n'adore pas. Bien loin de là, Zuvi qui parle de Stephen pour ricaner. C'est pas très loin de ma position quand même, quand je parle de moi. Quand je parle en tout cas de ce que je vous jaspine. Alors, en quoi consiste l'énigme? C'est un art que j'appellerai d'entre les lignes, pour faire allusion à la corde. On ne voit pas pourquoi. Les lignes de ce qui est écrit, ça ne serait pas noué par une seconde corde. Je me suis mis comme ça à rêver. Et je dois dire que tout ce que j'ai pu consommer d'histoire de l'écriture, voire de théorie de l'écriture, il y a un nommé Février qui a fait l'histoire de l'écriture, il y en a un autre qui s'appelle Gelb qui a fait théorie de l'écriture. L'écriture, ça m'intéresse puisque je pense que, comme ça, qu'historiquement, historiquement, c'est par des petits bouts d'écriture qu'on est rentré dans le réel. À savoir qu'on a cessé d'imaginer que l'écriture des petites lettres mathématiques. C'est ça qui supporte le réel. Mais, bon Dieu, comment ça se fait? Je franchis comme ça quelque chose qui me semble... qui me semble, disons, vraisemblable. Je me suis dit que l'écriture, ça devait toujours avoir quelque chose à faire avec la façon dont nous écrivons le nœud. Il est évident qu'un nœud peut s'écrire comme ça, couramment, ça donne déjà un S, c'est-à-dire quelque chose qui a tout de même beaucoup de rapport avec l'instance de la lettre telle que je la supporte. Et puis ça donne un corps comme ça vraisemblable à la beauté. Parce qu'il faut dire que il y avait un nommé Hogarth qui s'était beaucoup interrogé sur la beauté et qui pensait que la beauté, ça avait toujours quelque chose à faire avec cette double inflexion. C'est une connerie, bien entendu. Mais ben, ça tendrait à rattacher la beauté à quelque chose d'autre qu'à l'obscène, c'est-à-dire au réel. Il n'y aurait en somme que l'écriture de Belle, ce qui pourquoi pas. Bon, mais revenons à Stephen, qui commence aussi par un S. Stephen, c'est Joyce en tant qu'il déchiffre sa propre énigme. Il ne va pas loin. Il ne va pas loin parce qu'il croit à tous ses symptômes. C'est très frappant. Il a commencé bien avant. Il a crachoté quelques petits morceaux, des poèmes même. Du poème, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Mais enfin, il croit à des choses. Il croit à la conscience incréée de sa race. C'est comme ça que ça se termine, le portrait de l'artiste. Considéré comme un jeune homme. Il est évident que ça va pas loin. Mais enfin, il termine bien. Oui, il y a Old Father, 27 avril. C'est la dernière phrase du portrait of an artist. Of the artist. Vous voyez, je fais le lapsus. Portrait d'un artiste as a human. Alors qu'il se croyait the artist. Old father, old artificer. Stand me now and ever in good stead. Tenez-moi au chaud. D'alors et de maintenant. C'est à son père qu'il adresse cette prière. Son père qui, justement, se distingue d'être... bon, ce que nous pouvons appeler, un père indigne, un père carent. Celui que, dans tout Dieu laissez, il se mettra à chercher où il ne le trouve à aucun gré. Parce qu'il y a évidemment un père, quelque part, qui est Bloom. Un père qui cherche un fils, mais Stephen, lui oppose un très peu pour moi. Après le père que j'ai eu, j'en ai soupé. Plus de père. Et surtout que ce Blum en question n'est pas tentant. Mais enfin, il est singulier qu'il y ait cette gravitation entre les pensées de Blum et de Steven qui se poursuivent pendant tout le roman et même au point que le Adams dont le nom respire plus de juiverie que Blum que le Adams soit très frappé. Soit très frappé de certains petits indices qu'il découvre singulièrement comme étant par trop invraisemblable d'attribuer à Blum une connaissance de Shakespeare que manifestement il n'a pas. Une connaissance de Shakespeare qui, d'ailleurs, n'est pas du tout forcément la bonne, quoi que ce soit celle que Steven ait, parce que c'est supposé à Shakespeare des relations avec un certain herboriste qui habitait dans le même coin que Shakespeare à Londres, et que, malgré tout, ça, c'est vraiment pure supposition. Que la chose vienne à l'esprit de Blum est quelque chose qu'Adam souligne comme dépassant les limites de ce qui peut être justement imputé à Blum. À la vérité, il y a tout un chapitre qui est celui dont je vous ai parlé, surface hors symbole. Il y a tout un chapitre où il ne s'agit strictement que de ça. C'est au point qu'il culmine dans un bleffen, puisque tout à l'heure j'ai fait un lapsus, bleffen et stum. Bleffen et Stum qui se rencontrent dans le texte du Ulysses et qui montrent manifestement que c'est pas seulement du même signifiant qu'ils sont faits, enfin, c'est vraiment de la même matière. Ulysses, c'est le témoignage de ce par quoi Joyce reste enraciné dans son père tout en le reniant. Et c'est bien ça qui est son symptôme. J'ai dit qu'il était le symptôme. Toute son œuvre en est un long témoignage. Exiles, c'est vraiment l'approche de quelque chose qui est pour lui, enfin, le symptôme central. Donc, bien entendu, ce dont il s'agit, c'est du symptôme fait de la carence propre au rapport sexuel, mais cette carence ne prend pas n'importe quelle forme. Il faut bien que cette carence prenne une forme. Et cette forme, c'est celle de ce qu'il noue. À sa femme, à la dite Nora. À la dite Nora, pendant le règne de laquelle il est lugubre, les exiles, les exilés, comme on l'a traduit. Alors que ça veut aussi bien dire les exils. Exil, il ne peut pas y avoir de meilleur terme pour exprimer le non-rapport. Et c'est bien autour de ce non-rapport que tourne de tout ce qu'il y a dans Exiles. Non, rapport, c'est bien ceci. C'est que il n'y a vraiment aucune raison pour qu'une femme, entre autres, il la tienne pour sa femme. Qu'une femme, entre autres, est aussi bien celle qui a rapport à n'importe quel autre homme. Et c'est bien de ce n'importe quel autre homme qu'il s'agit dans le personnage qu'il imagine et pour lequel, à cette date de sa vie, il sait ouvrir le choix de l'une femme en question, hein, qui n'est autre dans l'occasion que Nora. Le portrait qu'il a fini à l'époque, celle que j'évoquais à propos de la conscience incréée de sa race, à propos de la conscience incréée de sa race, à propos de laquelle il invoque l'artificeur par excellence que serait son père, alors que c'est lui l'artificeur, que c'est lui qui sait ce qu'il a à faire, mais qui croit qu'il y a une conscience incréée d'une race quelconque. En quoi c'est une grande illusion. Qui croit aussi qu'il y a un book of himself. Quelle idée de se faire être un livre. Ça ne peut venir vraiment qu'à un poète rabougri. Un bougre de poète. Pourquoi dit-il pas plutôt qu'il est un nœud? Ulysse, venons-en là. Qu'on puisse l'analyser. Car c'est sans aucun doute ce que réalise un certain Schechner. Comme ça, pendant que je rêvais, enfin, j'ai cru qu'il s'appelait Schecher. C'était plus facile à écrire. Non, il s'appelle Schechner. C'est regrettable. Il n'est pas Schecher du tout. Il s'imagine qu'il est analyste. Il s'imagine qu'il est analyste parce qu'il a lu beaucoup de livres analytiques. C'est une illusion assez répandue parmi les analystes, justement. Alors, il analyse Ulysse. Et ça donne, ça fait une impression absolument terrifiante. Contrairement à Surface and Symbol, cette analyse d'Ulysse, exhaustive naturellement, parce que on peut pas s'arrêter quand on analyse un bouquin, n'est-ce pas? Freud quand même a fait là-dessus des articles, et des articles limités, n'est-ce pas? D'ailleurs, mis à part Dostoïevski, il n'a pas proprement parlé, analysé de romans. Il a fait une petite allusion à Ross Merschol d'Ibsen. Mais enfin, il s'est contenu. Ça donne vraiment l'idée que l'imagination du romancier, je veux dire celle qui règne dans Ulysses, est achetée au panier. C'est pas du tout, d'ailleurs, quelque chose qui soit mon sentiment. Mais il faut tout de même s'obliger à y ramasser dans Ulysses quelques vérités premières. Et c'est ce que j'abordais à propos de l'énigme. Voilà ce qu'à ses élèves propose le cher Joyce. Joyce sous les espèces de Stephen, comme énigme. C'est une énonciation. Ce coq crew. Le coq cria. The sky was blue. The bells in heaven, les cloches dans le ciel, were striking 11. Était sonnante 11 heures. It is time for this poor soul. Il est temps pour cette pauvre âme to go to heaven. Je vous donne en mille quelle est la clé. Quelle est la réponse. C'est celle qu'après, bien sûr, la classe a donné sa langue au chat. Joyce fournit. The fox, burying his grandmother under the bush. C'est le renard enterrant sa grand-mère sous un buisson. Ça n'a l'air de rien. Mais il est incontestable que, à côté de la cohérence de l'énonciation, dont je vous fais remarquer que qu'elle est en vers, c'est-à-dire que c'est un poème, que c'est suivi, que c'est une création. Qu'à cause de ça, ce petit renard qui enterre sa grand-mère sous un buisson est vraiment une misérable chose. Qu'est-ce que ça peut avoir comme écho pour... Je ne dirais pas, bien sûr, pour tous les gens qui sont dans cette... dans cette enceinte, mais pour ceux qui sont analystes. C'est que l'analyse, c'est ça. C'est la réponse à une énigme. Et une réponse, il faut bien le dire, par cet exemple, tout à fait spécialement conne. C'est bien pour ça que... il faut garder la corde. Je veux dire que... si on n'a pas... l'idée de... où ça aboutit, la corde... au nœud du non-rapport sexuel... On risque de bafouiller. Le sens. Ah, faudrait que je vous montre ça. Le sens résulte d'un champ. Entre l'imaginaire et le symbolique, cela va de soi, bien sûr. Parce que si nous pensons qu'il n'y a pas d'autre de l'autre, et tout au moins pas de jouissance, de l'autre. Il faut bien que nous fassions la suture quelque part, ici nommément, entre ce symbolique qui se sépare là et cet imaginaire qui est ici. Bien sûr, ici, le petit dame. La cause du désir. Oui. Il faut bien que nous fassions quelque part le nœud. Le nœud de l'imaginaire et du savoir inconscient. Que nous fassions ici quelque part. Tout ça pour obtenir un sens. Ce qui est l'objet de la réponse de l'analyste à l'exposé par l'analysant tout au long de son symptôme. Quand nous faisons cette épissure, nous en faisons du même coup une autre. Entre précisément ce qui est symptôme et le réel. C'est-à-dire que par quelque côté, lui apprenons à épicer avec deux S, à faire épissure entre son symptôme et le réel parasite de la jouissance. Kerensky est caractéristique de notre opération. Rendre cette jouissance possible, c'est la même chose que ce que j'écrivais. C'est la même chose que d'ouïr un sens. C'est de suture et d'épissure qu'il s'agit dans l'analyse. Mais il faut dire que les instances, nous devons les considérer comme séparées réellement. Imaginaire, symbolique et réel ne se confondent pas. Trouver un sens implique de savoir quel est le nœud et de le bien rabouter grâce à un artifice. Faire un nœud avec ce que j'appellerais une chaîne borroméenne, est-ce qu'il n'y a pas là abus? C'est sur cette question que je laisserai pendante que je vous quitte. Je pourrais laisser le temps à ce cher Jacques Aubert, à qui je comptais de confier le crachoir pendant le reste de la séance, de vous parler maintenant. Il est temps que nous nous séparions, mais la prochaine fois, étant donné ce que j'ai entendu de lui, puisqu'il a eu la bonté de m'appeler vendredi par téléphone, étant donné ce que j'ai entendu de lui, je crois qu'il pourra, sur ce qu'il en est, Blum en question, recevoir, mon Dieu, de quelqu'un qui n'est pas plus mal placé qu'un autre pour piger quelque chose à l'analyse, puisque c'est un juif, que sur ce Blum et sur la façon dont est ressentie la suspension entre les sexes, celle qui fait que le nommé Blum ne peut que s'interroger s'il est un père ou une mère. C'est quelque chose qui fait le texte de Joyce, ce qui assurément a mille irradiations dans ce texte de Joyce, c'est à savoir qu'au regard de sa femme, il a les sentiments d'une mère, il croit la porter dans son ventre, et que c'est bien là, somme toute, enfin, le pire égarement de ce qu'on peut éprouver vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime. Pourquoi pas, il faut bien expliquer l'amour et l'expliquer par une sorte de folie. C'est bien la première chose qui soit à la portée de la main. C'est là-dessus que je vous quitte et que j'espère que pour cette séance d'entrée, vous n'avez pas été trop déçus.